I'm Pain. Pain. Pain. It's not alive! Il me fait grand plaisir de vous recevoir ce soir à Réanimation The Undead Incorporated Show, puisque l'émission ne peut porter mieux son nom que ce soir, en ce début de novembre, mois des morts. En fait, le nom Undead Incorporated Show est principalement inspiré de ce mois de novembre, si cher à votre bon docteur. Ce qui signifierait probablement que les autres 11 mois de l'année, je devrais rebaptiser l'émission par un autre nom. Bien oui. Et à compter du mois de décembre, Réanimation portera désormais le nom complet de Réanimation, l'émission de la joie de vivre. C'est n'importe quoi. Il n'est pas question de changer quoi que ce soit, ne serait-ce que les pièces qui sont diffusées, ou du moins minimalement l'ordre dans lequel elles le sont. Voici Réanimation, version mois des morts. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin dans son entourage. Demandez à tous ceux qui me côtoient ou qui l'ont fait. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. 'Cause fear is my fucking business. We are Undead Incorporated, 'cause I, Pendragon, said so. Et voici un mot de King Diamond. Go. I don't believe in heaven. I don't believe in hell. Oh! Yeah. êtes assez fou. Pour l'écouter. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Le jeudi 19h, écoutez Très Blues Assez Fou. Nous présentons le blues de ses origines au blues d'aujourd'hui. La chronique de Paul Deslauriers, des biographies de Steven Hubert et des prestations en direct. Très Blues Assez Fou sur C'est Fou 89.1 FM. T'aimes découvrir la musique? T'aimes réentendre tes classiques? Tu veux entendre des B-sides de groupes connus? T'aimes soft pop, le noise, le gear, le punk et Marcel Martel? Tu as la chance d'entendre tout ça en une seule émission, Radio Sonic, en compagnie de Sébastien Pichette et Stéphane Corriveau, tous les mercredis dès 20h et en rediffusion tous les samedis à 18h. Chaque lundi, les Daily Hounds présentent une émission variée, passe de faits divers à la présentation de personnes inspirantes. Soyez des nôtres. Les Daily Hounds, lundi à 13h, à C'est Fou, 89.1 FM. C'est Fou, 89.1 FM. Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de réanimation ce 3 novembre de l'an de Disgrâce 2015, la première du mois des morts, novembre. Je suis le Dr. Pain Pendragon et je vous accompagnerai métalliquement et ce jusqu'à 21h. On vient à l'instant d'entendre le premier bloc de l'émission qui était déconstitué de ce qui suit à l'instant Napalm Death et la reprise Incinerator. Qui est tiré du hippie, du mini-album de CPS Leaders Not Followers. C'est le premier parce qu'il y en a un deuxième, qui est celui-ci, paru en 1999, ce Dreamcatcher. CPS qui était des reprises de groupes que je présume que le groupe aimait. On retrouve entre autres Nazi Punk's Fuck Off de Dead Kennedys, Back from the Dead de Death, My Guts and Your Coffin de Repulsion, Demonic Possession de Pentagram, Politicians, The Rap Hour et Incinerator, qui est un cover ou une reprise, si vous préférez, de la formation canadienne Slaughter. Et je me suis amusé à réécouter l'original lorsque j'ai fait la préparation de cette émission de réanimation. Et je me suis dit, tiens, ça fait très, très, très, très, très longtemps que je n'ai pas entendu l'original de Slaughter. Donc, je l'ai écouté et je dois dire que c'est pas très bon. Juste avant, nous avions Creator, la pièce Phobia. C'est tiré de Hardcast, album qui est paru en 97, sous étiquette Gun Records. Exodus et The Toxic Waltz qu'on retrouve sur Fabulous Disaster, paru en 89. C'était aussi le deuxième album auquel contribuait en tant que chanteur Steve Souza, qui est revenu, on le sait, mais bien des années plus tard. Nous avions Entombed, formation qui donne dans un Death and Roll, formation, ma foi, que je trouve très intéressante, et la pièce They, qu'on trouve sur Shoot Straight and Speak the Truth, qui est parue en 1997 sous Music for Nation, et nous avions ouvert avec le dernier album studio de Merciful Fate, soit la pièce Last Rite qui est tirée de Nine, qui est parue en 99, et on les statue toujours comme étant actifs pour des spectacles, j'imagine, des festivals, comme je le disais, tous les éditions, comme bien d'autres groupes. Ce soir, j'aurai une petite présentation pour vous, qui est la formation polonaise Lost Soul, et aussi des blocs qui devraient être légèrement violents par moment, je présume. Chronique cinéma aussi. Et ben tout ça, on va essayer de faire ça avant 21h. on va poursuivre plutôt tout de suite avec un deuxième bloc musical dans lequel nous allons entendre les formations Bayside, Sinister, Bloodbath. Mais Aggression en début de bloc avec une pièce tirée de leur Ben, je dirais leur dernière parution. Oui, c'est leur dernière parution. C'est pas un album studio complet. Parce que on y retrouve des versions démo ou des versions d'enregistrement qui, jusque-là, n'étaient soit pas sorties ou qui ont été remaniées. Et des pièces qui sont de nouvelles pièces, bien entendu. Et justement, on va y aller avec la pièce Defenders of the Old, qui est la pièce d'ouverture de cet album Fracture Psyche Demons, et qui, ben en fait, je vous en parlerai après, là, quand le bloc sera terminé, de où vient ce titre Defenders of the Old. Donc, allons-y tout de suite avec Aggression. Go! Let's go!

19h48 et vous êtes toujours à l'écoute de réanimation The Undead Incorporated Show sur les ondes de CIFU 89.1 FM et ce jusqu'à 21h. On vient d'entendre la formation Decide et la pièce titre In the Minds of Evil de cet album paru en 2013, le dernier paru jusqu'en date de Decide sous étiquette Century Media. Sinister auparavant et la pièce Transylvania City of the Dam, c'est tiré de The Carnage Ending qui paru en 2012 sur Massacre Record. Bloodbath et la pièce Year of the Cadaver Race, tirée de Nightmares Made Flesh, paru en 2008 sur Century Media. Et, en ouverture de bloc, Aggression et la pièce Defenders of the Old, la pièce d'ouverture de cet album Fracture Psyche Demons, paru il y a quelques mois sous l'étiquette Gallery Records. Et justement, en ce qui concerne Aggression, j'écoutais l'émission de mon bon ami DJ Tower of Death et qui a eu la semaine dernière en entrevue Denis Sasquatch Bart pour l'entretenir un peu de cette réunion d'Aggression, de cette nouvelle parution de pièces, d'albums et ainsi de suite. Et Defenders of the Old, eh bien, vient tout simplement du fait que Aggression auront participé pour la première fois, ben en fait, ils auront été joués aux États-Unis pour la première fois de leur existence cet été, en fait, plus précisément au printemps, au mois de mars, dans le cadre du festival Defenders of the Old. Bon, ça le dit assez bien ce que ça veut dire, et Denis a eu l'idée de faire une pièce, parce qu'ils ont été très bien reçus là-bas, a eu l'idée de faire une pièce qui, en fait, est de double sens, pour ainsi dire, pour rendre hommage un peu à ce festival, bien entendu, que les vieilles formations, ben il y en a qui existent toujours, et c'est le cas d'Aggression qui s'est reformé. Après, quand même, ben, en fait, faut lire la séquence, là. 85-89, 2005-2006 et 2014 jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que 2015 est beaucoup plus actif, pour Aggression que, depuis, je vous dirais, la mi-2000. En 2005-2006, il y a eu quelques spectacles, ici et là qui ont été faits, mais pas d'enregistrement proprement dit. Moi, je suis bien content parce que j'aime beaucoup, beaucoup la formation Aggression. Je l'aime depuis la première fois que j'ai entendu une pièce d'Aggression. Et je pense que ça va rester comme ça encore pour bien longtemps. Je vous parle maintenant de la présentation de la soirée, qui est une formation polonaise qui porte le titre de Lost Soul, qui évolue dans un technical death metal à connotation satanique, ténèbres, morts, et ainsi de suite, le chaos, et qui évolue depuis 1990. En fait, de 90 à 92, ils portaient le nom de AIDS. De 92 à 95, ils ont évolué sous le nom de Lost Soul pour prendre une pause en 96 et revenir en 97 jusqu'à aujourd'hui. Ils en sont à leur cinquième album complet studio, qui porte le nom de Atlantis The New Beginning, qui est paru vendredi dernier, le 30 octobre, sous étiquette Apostasy Records, que je ne connaissais pas. Et je vous propose d'aller écouter une pièce de cet album Atlantis The New Beginning, et on se retrouve après la pièce et après la pub pour, pas pour en discuter, pour m'écouter. Lost Soul. 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Vous êtes assez fou. Audiomatique avec les électronistes tous les mercredis à 17h. Vendredi le 6 novembre, 21h30, votre café-bar Le Zénob vous présente la formation de Québec, 5-4-Trio. Pour vivre une belle soirée aux accents jazz progressifs, venez entendre et voir 5-4-Trio ce vendredi 6 novembre au Zénob, 171 rue Bonaventure, Trois-Rivières. Génie en liberté, émission d'actualité, d'information et d'opinion, tous les jeudis à 9h30. C'est fou, 89.1 FM. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Juste avant la pause, on a entendu un extrait de l'album Atlantis The New Beginning qui est paru le 30 octobre dernier, soit vendredi dernier. La formation polonaise Lost Soul, la pièce étant Perry Alien. Ce que je peux dire de la formation, c'est que, ben écoutez, minimalement c'est intéressant, ça brise pas les barrières, c'est... ça peut être du déjà vu dans une certaine mesure, mais ça s'écoute bien. Je suis pas prêt à dire que je vais écouter ça régulièrement et pendant très longtemps, mais présentement, c'est correct. Comme je vous ai dit la semaine dernière, je ne donne plus de cotes, échelonné de 0 à 10, si vous préférez, ou des fois, dans mon cas, moins 10 à 10. Mais non, je ne donne plus de cotes, je ne donne qu'une appréciation générale de l'album. Ce qui pourra peut-être vous inciter plus à aller le découvrir. Production correcte, présentation graphique correcte aussi. C'est dans l'ensemble correct, mais c'est personnellement rien qui, je trouve, révolutionne la musique métal. Ben, en fait, c'est difficile de nos jours de le faire, mais en ce qui concerne Lost Soul, ce n'est pas le cas. La semaine prochaine, je vais vous présenter une formation... brésilienne qui donne aussi dans un brutal death metal. Mais en fait, non pas aussi parce que Lost Soul c'était plus technique. Ici c'est brutal death metal. Il s'agit de la formation Pathologic Noise. Et je n'ai pas encore écouté, mais je peux vous dire que la présentation graphique est une sacrée belle pochette. On s'attendra à ça la semaine prochaine. Cette semaine, ce vendredi. Assez fou, bien sûr, dès 11h pour les vrais amateurs de vrai rock. C'est rock classique, bien entendu. Et cette semaine, nous aurons un retour de ce spécial Halloween que nous avons fait, le Rockmaster et moi, vendredi passé, dernier. Donc, cette semaine, c'est un retour à la programmation dite normale, musicalement, parce que pour le reste, c'est pas garant que ce soit normal, évidemment. Mais dès 11h, pour les vrais amateurs de vrai rock, rock classique, en compagnie du Rockmaster et de votre humble serviteur que je suis, le Dr. Payne Pendragon, jusqu'à 17h. Côté spectacle qui s'en viennent à grands pas le vendredi 6, et samedi 7 novembre, c'est le Trois-Rivières Trash Metal Fest partie 2, ou 2 si vous préférez, qui se déroulera au Rock Café Le Stage, qui est situé dans la portion Cap de la Madeleine de Trois-Rivières. C'est n'importe quoi. Bref, vous pourrez voir le vendredi 6 novembre Grindcore Malade, Survival Instinct, Mattelsum, Meet the Mailman, The Torturer, Bridge of Hope, Phosphorus, War et Mutank. Et le samedi, vous pourrez voir Hellborn. Attends un petit peu, j'en ai peut-être sauté un là. Oui, Parfum. Ah, wow! Parfum, OK. Sans amertume, Hellborn, Death Row, Signs of War, Satanic Glue Sniffer, Eternal Judgment, Our Fiction, qui reviennent, et DBC. J'ai-tu 15$ chaque soir et je peux pas vous dire à quelle heure ouvre les portes. Mais c'est pas grave. Vous avez juste à y être quand ça va être le temps. Qu'est-ce que je voulais dire à part ça? Je sais pas. Ben écoutez, j'ai une chronique cinéma pour vous, là, mais je la ferai pas tout de suite. Non. On va tout simplement aller se taper de la musique. Voilà ce qu'on va faire. On va entendre la formation italienne Hey, de la formation polonaise Decapitated, de la formation des Pays-Bas Ion et Apophis à l'instant et la pièce Humanities. Épilogue. Go. We'll be right back.

Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie. Également, des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêts et bourses ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert-Tessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Vous êtes à l'écoute de Réanimation, The Undead Incorporated Show sur les ondes de Cifou 89.1 FM et ce jusqu'à 21h. On vient l'entendre à cette pause publicitaire, la formation italienne Aid et la pièce 6,000 Crosses qui met en vedette sur cette pièce George Collias, nul autre que le batteur de Nile. C'est tiré de l'album Spartacus, qui est leur premier album studio officiel et paru en 2013 sur Blasthead Record. C'est vraiment excellent. Aid, Decapitated et la pièce titre Carnival is Forever, formation polonaise. Cet album qui est paru en 2011 sur Nuclear Blast est vraiment un des très bons albums de Decapitated, un peu plus conceptuel, je dirais, avec des pièces à plus grand déploiement. C'est bien High On, une formation des Pays-Bas avec The Glowing Hate qui est tiré de High On Black, paru en 2012 sur Metal Blade. Et nous avons ouvert avec une autre formation des Pays-Bas, soit Apophis, et leur première parution au studio Prime Incursion, qui est paru sous étiquette Metal Blade Records le 1er avril 2015. C'est assez bon à découvrir, Apophis, je dirais. La pièce étant Humanity's Epilogue, c'est du bon technical death metal. Moi, je vous encourage à aller découvrir ça parce que c'est une des bonnes formations dans le genre, une des bonnes nouvelles formations, si vous voulez. Je dis nouvelle parce que c'est assez récent, elle existe depuis 3 ans. Donc, on va aller faire un... Ah oui, autre spectacle qui pourrait vous intéresser, c'est le gros party de Noël de Trois-Rivières Metal. C'est le vendredi 18 décembre. C'est dans un mois et demi, ou à peu près. Au Rock Café Le Stage, ça met en vedette Fuck the Middle East, un hommage à Stormtrooper of Death, Blinded by Fate de Québec et Reanimator. Il en coûtera 12$, c'est pour tous, et vous pouvez amener des denrées non périssables, c'est pour les artisans de paix, bien sûr pour la période des fêtes, pour les gens moins bien nantis. Je vous parle de cinéma. En salle présentement, c'est The Last Witch Hunter, qui est un film d'horreur, si vous voulez, ou fantastique, qui met en vedette. Ça, c'est... Bon, écoutez, c'est partagé comme avis, mais Vin Diesel, c'est pas nécessairement l'acteur le plus extraordinaire au monde et le plus crédible. Mais ça met en vedette Vin Diesel et Elijah Wood, entre autres, qu'on a bien découvert, qu'on a bien connu avec la saga du Seigneur des Anneaux, bien sûr, et Le Hobbit. C'est en salle présentement. Par curiosité, ça vaut peut-être la peine de le découvrir. Ce vendredi, c'est l'arrivée en salle du nouveau James Bond, Spectre, qui met en vedette encore l'excellent Daniel Craig, Christopher Waltz, qui est un très, très, très bon acteur, et Ralph Fiennes aussi. C'est un film de Sam Mendes. On s'est au cinéma, au grand écran, ce vendredi. James Bond, Spectre. Ça, j'ai bien hâte de le voir. Dans les trucs que j'ai écoutés, The Gift, qui est un thriller qui met en vedette Jason Bateman et Rebecca Hall et Joel Edgerton, qui est aussi le réalisateur du film. C'est un film, je dirais, intéressant, original par moment, mais qui est légèrement trop lent. Ça raconte brièvement l'histoire d'un jeune couple, qui vient de s'établir, qui part de Chicago pour s'établir, on ne sait où, mais dans une métropole américaine, parce que lui s'est fait offrir un poste d'importance au sein d'une firme importante aussi, et il rencontre par hasard un de ses anciens entre guillemets, copain d'études au secondaire. Et celui-ci tente de renouer avec lui. Il s'incruste quelque peu, mais bon, il est gentil, mais il semble un peu aussi dérangé. Et il leur fait plusieurs cadeaux de bienvenue dans leur nouvelle vie, dans leur nouvelle maison, ainsi de suite. Et il s'avère que ce personnage, ben, c'était quelqu'un qui était persécuté par l'autre. Donc, c'est l'histoire d'une vengeance. C'est original, mais c'est lent. The Gift. Disponible DVD Blu-ray. Je vous laisse vous en faire une opinion. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Un film qui m'a relais. Ben, en fait, surpris, oui, parce que j'avais aucune attente. C'est The Diabolical, qui est un film d'horreur, qui est de Alistair Legrand, que je ne connaissais pas. Je ne connais pas plus ses acteurs, Ali Larter, Arjun Gupta et Chloé Perrin. Non. Mais bref, c'est l'histoire du petit garçon d'une famille qui se réveille à toutes les nuits parce qu'il est terrifié par une présence qui est invisible, mais qui s'avère être une présence qui semble se nourrir d'énergie, qui éventuellement va devenir visible par la mère, qui ne sera pas crue par le père de l'enfant, et ainsi de suite, pour vouloir avoir certaines aide d'extérieur, des gens qui vont tenter d'enquêter, mais qui vont littéralement abandonner le cas parce que c'est trop heavy pour eux. C'est intéressant. La fin est originale et surprenante. Ben, surprenante, c'est un grand terme. Disons, originale. Mais c'est correct. C'est distrayant comme film. The Diabolical, c'est pas le film d'année, loin de là. Mais c'est un film qui peut vous faire passer, je dirais, une heure et demie confortable devant l'écran. Film Vision, qui est un film d'horreur, connotation thriller, de Kevin Grotert, que je ne connais pas du tout, qui est disponible en Blu-ray et DVD aussi, en fait, c'est difficile à décrire comme film. C'est l'histoire d'un exorciste qui s'incruste dans le subconscient de victimes, de tourments, si on veut, pour les délivrer. Et puis, un jeune garçon de 9 ans qui est possédé par une puissante entité, cet exorciste-là voit l'occasion de mettre à profit ses talents, ainsi de suite, pour exorciser le jeune enfant. Mais je vais vous dire honnêtement, là, ce film-là, si je lui donnais une cote, là, c'est sûr qu'il sera en bas d'un. Parce que si vous souffrez d'insomnie, là, ben écoutez Vision, là, puis ça va régler le problème dans 5 minutes. Là, c'est vraiment très ennuyant. Pardon. Un film que j'avais hâte de voir et qui ne m'a pas déçu, et le film étant de vedette Ian McKellen, c'est Mr. Holmes, qui est un film policier connotation mystère, qui raconte bien sûr les derniers soubresauts d'enquête de Sherlock Holmes, qui est interprété par admirablement d'ailleurs par Ian McKellen, et qui nous mène à un Sherlock Holmes qui est âgé et retraité, est âgé de 93 ans et qui vit dans le Sussex, et sa passion est d'élever des abeilles. Mais il a de grands problèmes de santé, Sherlock. Il a de violentes pertes de mémoire et ça l'amène à être confronté à une affaire qu'il a dû élucider il y a 50 ans, mais qui le tourmente et qui ne peut se rappeler des faits. Ce n'est pas un film d'action, loin de là, ce n'est pas un film qui bouge, mais pas du tout. Mais c'est un film qui est vraiment excellent, avec une grande connotation psychologique du personnage. Et je le dis dans ma chronique sur réanimationad.com, il faut avoir deux points d'intérêt dès le départ. Il faut savoir deux choses. Faut être amateur du personnage de Sherlock Holmes, connaître au moins quelques détails qui le concernent au niveau de la littérature qui l'entoure, ainsi de suite. Il faut pas s'attendre à un film qui bouge. Au contraire, c'est un film qui a une grande connotation, comme je le disais, psychologique. Donc, si vous connaissez le personnage de Sherlock Holmes, vous voulez voir une autre facette de ce personnage-là, moi, je le considère comme étant un très bon film. Et c'est très bien interprété aussi. Mr. Holmes, moi, je le recommande, mais pour gens avertis. Autre film qui est plus léger, mais plus divertissant d'une certaine façon, et qui était très à l'honneur pour le week-end dernier, est un film qui porte le titre de Tales of Halloween, qui est un film à sketch de 10 petites histoires qui finalement ont un certain lien en fin de compte, au bout du film. Et c'est une collaboration entre autres de Neil Marshall et Darren Lynn Bousman, qui sont pas des nouveaux venus dans le genre. Et c'est intéressant, c'est très divertissant, je dois dire. Et j'aime beaucoup les films à sketch comme ça. Et puis par moments c'est un peu violent, là, je dois le dire. Là, c'est pas un film à écouter avec vos enfants si c'est le cas, mais c'est très divertissant. Tales of Halloween, je vous le recommande dans le genre. 20h36, l'émission Tranquillement, pas vite s'achève. Je vais céder le micro tout à l'heure à 21h aux gens de Matière Noire qui vont probablement vous entretenir de métal à connotation progressive ou autre chose du genre, je présume. Mais en attendant, je vous rappelle que la semaine prochaine, je vous présenterai l'album de la formation 1000 pardons brésilienne Pathologic Noise et l'album Gore Aberration qui est sous étiquette assez particulière Cogumelo Records. Cogumelo Records. Je connais absolument pas. Mais allez sur le site de réanimation AD.com dans la section musique, allez voir la pochette de cet album. C'est genre de pochette métal qui nous manque. Honnêtement, je la trouve excessivement belle et chapeau à l'artiste qui l'a fait. Aussi, je vous rappelle que ce vendredi, dès 11h, c'est l'édition de l'émission Rock Classique pour les vrais amateurs de vrai rock, en compagnie de mon bon ami le Rockmaster René Lefebvre et de moi-même, votre bon docteur, le Dr. Pain Pendragon. Nous avons cette semaine une émission dite régulière au niveau musical. Dois-je le préciser, parce que pour le reste, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut déraper. Mais on a beaucoup de plaisir à déraper. Donc, de 11h à 17h, rock classique. On va aller faire un petit tour du côté musical, cette fois-ci, d'une formation qui vient de Slovénie. J'en connais pas énormément de formations qui viennent de ce pays, qui portent le nom de Noctiferia, qui existe depuis 1992. En fait, ils avaient un autre nom qui était Ametica. Depuis 1994, ils portent le nom de Noctiferia. C'est un métal à tendance symphonique industrielle que j'ai découvert l'an dernier. Et je vous propose d'aller écouter une pièce. On l'a déjà fait là, par le passé, mais je vous propose ce soir d'aller écouter une pièce du dernier album, Pax, qui est paru, lui, le 5 décembre 2014. Ça va faire bientôt un an. Moi, je trouve ça vraiment très, très bon. C'est très original. C'est très lourd par moment. Donc, je vous propose la pièce Sleeper is Awake, qui est tirée de Pax Noctiferia. Go! Sleeper is awake. Sleeper is awake. Sleeper is awake. nation, what freedom for thee? Completion sees a victory, that the mother gives up. Yeah. de Project 8 1989 et la longue pièce, Crawling Through The Infinite Fields of Carnage. C'est tiré de In Aura Mortis Nostrae, qui est paru en 2007 sur Stormvox. Formation assez particulière, je dois dire, Project 8, parce que musicalement, souvent, c'est très solide, c'est très lourd, c'est même très violent. Par moment, ils viennent... assez souvent, ils viennent nous rendre ça un peu plus céleste avec la voix féminine. Nous en avons passé plus qu'une chanteuse, là. En fait, c'est même plus celle du précédent qui était là. Et parfois, ça m'agace un petit peu, je dois dire. Mais quand c'est moins présent, que ça vient donner juste une petite touche, je dirais, plus... c'est effectivement le cas, plus céleste. C'est un contraste qui est intéressant. Juste avant, nous avons Noctiferia... Très bonne formation de Slovénie et la pièce Sleeper is Awake, c'est tiré de Pax. C'est leur plus récente parution, parue sous étiquette indépendante, c'est-à-dire pas d'étiquette. parue en 2014. C'est particulier, d'un album à l'autre, ça se ressemble, mais il y a des différences assez notoires, je dois dire. Moi, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Il y en a certains qui vont dire « Ouah, c'est un émule par moment de Meshuggah ». Oui, oui, oui, vous avez raison de dire ça, parce qu'il y a certains éléments qui semblent être empruntés à Meshuggah, au niveau surtout des contretemps, de la sonorité parfois aussi, principalement de la basse et de la percussion ensemble, mais c'est un style assez différent. Il faut quand même être juste. Oui, il y a des sonorités, des connotations Meshuggah, mais c'est un style qui demeure assez différent, qui, dans une lourdeur, qui ressemble aussi à celle de Meshuggah. Plus ça va aller, plus je vais continuer à parler, puis je vais dire que finalement, c'est du Meshuggah. Non, c'est faux. C'est différent, Noctiferia. Et je vous le conseille. Dans quelques minutes, ce sera le tour de Matière Noire. Je ne peux vous dire ce qu'ils ont au programme. Probablement une surprise comme habituellement. Et moi, je serai de retour mardi prochain pour une autre édition de réanimation à 19h sur les ondes de Cifou. Et d'ici là, bien entendu, allez tous vous faire foutre, bien entendu. On va se quitter sur une dernière pièce. Une pièce de formation, Legion of the Damned, qui donne dans un trash à connotation death metal, la formation des Pays-Bas, que j'aime beaucoup dans le genre. La pièce est un House of Possession. Donc, la semaine prochaine, see you. Drop the nose. future.